ce que vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est les idées qui font que ça marche. C'est, par exemple, les idées de gauche sont des idées pas saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Nous sommes en train de crever? On gagne beaucoup, oui, on y va tout droit. Faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent, faut partir en vacances. Bon, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fabrique plus de produits qui se vendent, qui sont trop chers. Mais vous prenez des vacances, vous gagnez de l'argent, c'est ça que j'appelle la réalité.